Le cours de l'histoire. Xavier Mauduit. Camarade Lénine face à l'exercice du pouvoir. En octobre 1917, Vladimir Ilitch Ulianov, désormais appelé Lénine, a 47 ans et déjà une longue existence remplie de combats, surtout intellectuels. À l'occasion d'une révolution, le voici au pouvoir en Russie. Ah bah ça change la vie, c'est sûr. Fini l'existence d'un révolutionnaire en exil qui réfléchit à la manière de guider le prolétariat. Fini les conversations entre penseurs sur les chemins que doit emprunter le mouvement révolutionnaire jusqu'à la dictature du prolétariat. Désormais pour Lénine, il faut agir. Laissons-lui la parole. Товарищи красноармейцы, капиталисты Англии, Америки, Франции ведут войну против России. Они мстят Советской рабочей и крестьянской республике за то, что она свергла власть помещиков и капиталистов. Camarades, hommes de l'armée rouge, les капиталistes britanniques, américains et français font la guerre à la Russie. Ils se vengent de la République soviétique, des ouvriers et des paysans pour avoir renversé le pouvoir des propriétaires terriens et des capitalistes, et donné ainsi l'exemple à toutes les nations du monde. Lénine, en mars 1919, avec la voix de Raphaël Laloumé. Stéphane Courtois, bonjour. Bonjour. Laissez-moi vous regarder. Je compare avec la couverture de votre livre, Lénine, l'inventeur du totalitarisme, publié chez Perrin. Je compare. Non, vous ne ressemblez pas à Lénine, quoique. Si je mets ma chapka, vous verrez que... Vous ressemblez à Lénine dans les premières pages de votre ouvrage. D'ailleurs, vous racontez ce moment en Russie où l'on vous prend pour Lénine. Alors, pourquoi ? Expliquez-nous. Ah oui, c'était tout à fait étonnant. C'était mon premier séjour à Moscou. Et le dimanche, les archives étaient fermées. Donc, avec des amis français et russes, on est allé sur une espèce de gigantesque brocante qu'on appelait le marché aux voleurs. C'était déjà l'automne. Le soleil était assez rasant le matin. Et donc, j'avais ma chapka et j'avais une vieille parka et puis ma barbe. Et puis, à un moment donné, j'ai perdu de vue mes amis. Si j'étais perdu dans ce marché, c'était la catastrophe. Et donc, je mets la main en visière pour me protéger du soleil. Et là, un russe, un vrai russe, lui aussi barbu, etc., arrive et me jette à la figure. Lénine ! Parce que effectivement, dans l'iconographie léniniste et soviétique, on voit très souvent Lénine la main en visière comme ça, qui regarde l'avenir radieux du communisme qui arrive. J'étais tout à fait stupéfait et quelques minutes après, en farfouillant dans cet immense bric-à-brac, je vois une petite statuette de Lénine d'une trentaine de centimètres en acier et qui me plaît. J'appelle mes amis russes, on discute le prix. Je l'achète et à peine je l'ai acheté, cet ami prend la statuette et me dit « Tu as vu les yeux du fou ?» Alors, j'avais en cinq minutes, j'avais les deux visions de Lénine, une vision enthousiaste et une vision absolument apocalyptique, donc c'était quand même très curieux. Oui, c'est ça Lénine, et d'ailleurs, historien du communisme, il est difficile de se départir de toute cette image construite, vous l'avez évoqué, Lénine, la main en visière, ça c'est l'image imposée. Dans cette histoire-là, il y a quand même un moment qui est décisif, c'est les années 1990 quand s'ouvrent les archives. Ah oui, bien entendu, parce que on a fonctionné donc à partir de 1917 et surtout 18-19, parce qu'il faut bien dire que le culte de Lénine a commencé dès ce moment-là. Dans tous les meetings de l'époque, il y avait déjà d'immenses portraits de Lénine, et pas seulement, de Trotsky aussi. Bon, et puis évidemment, sa mort a été un moment décisif de culte, puisque, comme on le sait, le camarade Staline a insisté pour que son corps soit non pas vraiment embaumé, mais conservé dans un produit spécial, etc., et puis le mausolée, etc. Et donc, à partir de ce moment-là, on a eu un immense culte de Lénine, qui a été quand même en partie masqué à partir du début des années 30 par le culte de Staline, qui n'a cessé de croître, surtout après 1945. Et puis, en 1956, quand Khrouchtchev fait son fameux rapport secret, où il descend, il n'y a pas d'autre mot, Staline du piédestal, il faut une nouvelle figure légitimante. Et on revient à Lénine. Et alors, à ce moment-là, d'abord, on enlève les statues de Staline d'une quantité d'endroits. Et il faut les remplacer par quelque chose. Eh bien, Lénine. On remet Lénine en place. C'est d'ailleurs, et pour les communistes du monde entier, c'est le moment, années 60, où le Parti communiste français publie les 45 volumes des œuvres. Non, pas complète. Souvent, je vois certains de mes chers collègues qui mettent œuvres complètes. Non, non, non, elles sont pas complètes. C'est œuvres tout court. Et d'ailleurs, vous l'avez évoqué, quand les archives vont s'ouvrir, alors là, on va découvrir des choses curieuses. Oui, c'est d'ailleurs un moment de votre parcours d'historien, Stéphane Courtois. D'ailleurs, je voudrais qu'on comprenne comment vous en arrivez à écrire ce sous-titre « Lénine, l'inventeur du totalitarisme ». À quel moment, vous, dans votre démarche d'historien, vous pointez cette idée-là, l'invention du totalitarisme, sachant que c'est très discuté, mais nous faisons de l'histoire, l'histoire c'est une science et tout est discuté. Ben, ça vient assez tardivement, parce que d'abord, il faut rappeler que moi, j'ai été un militant révolutionnaire à plein temps entre 68 et 72. Je tenais une grande librairie maoïste, donc j'étais très léniniste. Hein, et tout ce que Lénine racontait sur le caractère inéluctable de la terreur, etc. Mais je signais trois fois. Bon, il disait, c'est formidable, etc. Bon. Alors ensuite, j'ai quitté la politique, je suis vraiment rentré en histoire, et c'est seulement tardivement, et surtout, d'une certaine manière, après la publication du Livre noir du communisme, que j'ai commencé à mieux percevoir d'abord cette dimension criminelle qui finalement est fondamentale. S'il n'y a pas la terreur, le régime s'effondre, et ça n'est pas une terreur ponctuelle, c'est une terreur qui va être constante, et ça n'est pas une terreur minimale, c'est une terreur de masse qui est adoptée comme moyen de gouvernement. Donc ça fait réfléchir. Hein. Et puis alors évidemment, les archives s'ouvrant, on découvre des choses qu'on n'imaginait pas, que même beaucoup, même des je voudrais faire une petite anecdote. Pendant qu'on préparait ce Livre noir du communisme, nous étions 5 auteurs principaux, on a eu beaucoup de réunions de travail, et puis un jour, Nicolas Werth, qui traitait de la partie sur l'URSS, est arrivé et a dit « je vais vous lire mon premier chapitre ». C'était donc ce chapitre sur la période Lénine 17-22, et où là il nous sort ce qu'on a mis dans le Livre noir, c'est-à-dire des télégrammes absolument terribles, etc. Hein, pendez plus, trouvez des gens plus durs, etc. Faites des exemples. Et je vous assure qu'on s'est révolté. Hein, les 4 autres, Bartoschek, qui était un ancien communiste, Margolin, trotskiste, Panet, Courtois, ex-maoïste. On s'est révolté, on a dit « Ah non, on ne peut pas dire ça, on ne peut pas raconter ça ». Et là, c'est Werth qui, lui, s'est fâché, pourtant c'est un garçon calme, qui a dit « Ah non, mais ça, maintenant, ça suffit, c'est les archives, et c'est comme ça, et c'est pas autrement ». Donc c'est pour vous dire que, voilà, quand on a fait le Livre noir du communisme, avant de le publier, la plupart des co-auteurs étaient encore dans cette espèce de mythologie que, bien sûr, la révolution, la terreur, tout ça, bon, mais quand même, Lénine était un honnête homme, et jamais... enfin, vous voyez, bon, toute cette vision un petit peu non pas léniniste, mais lénifiante de Lénine, hein, qui est... donc voilà, et c'est... Alors ensuite... C'est toute une réflexion que j'avais déjà amorcée avant sur la question régime autoritaire, régime totalitaire. Ça, je crois que c'est quand même très important de bien comprendre ça. Les régimes autoritaires n'ont rien à voir avec les régimes totalitaires. La définition, la caractéristique principale du régime totalitaire, c'est un régime révolutionnaire. C'est-à-dire un régime qui non seulement va renverser le pouvoir en place, mais qui en plus a l'intention de renverser la société en place et qui surtout a l'intention de créer l'homme nouveau. Bon, c'est la grande idée. Hein. Si l'homme n'est pas bon, c'est pas parce que Dieu un jour a inventé le mal et que Satan est arrivé. Non, si l'homme se conduit mal, c'est parce que la société est mauvaise. Donc dès qu'on aura fait une bonne société, inévitablement l'homme va devenir tout à fait parfait. Donc voilà, alors ensuite il y a des modalités pratiques dans ce type de régime, évidemment, hein, on peut les rappeler, le parti unique qui devient un parti État, c'est-à-dire qui s'empare de toutes les prérogatives de l'État, la décision politique bien sûr, mais aussi l'administration, tout l'appareil administratif, hein, et ce parti État est évidemment mené par un leader charismatique, en l'occurrence Lénine, et il est conduit par une idéologie forte, très structurée, qui détient le monopole de la pensée, hein. Et d'ailleurs, on le verra, Lénine dès 1922 établit ce qu'on appelle le glavlit, c'est-à-dire le système de censure préalable. Et donc, plus rien à partir de ce moment-là ne sera publié en URSS sans être d'abord passé par le bureau de la censure. Puis ce sera la même chose pour les films et presque pour la musique, puisque Shostakovich le pauvre, hein, avec son fameux opéra Lady Macbeth de Mzensk, eh ben, il va avoir des gros problèmes. Hein. Staline a la mauvaise idée d'aller écouter cet opéra. Et le lendemain matin, la Pravda dénonce une musique pornographique. Bon, ce qui n'était pas faux, je dois dire. Il y a des moments étonnants. Donc voilà. Hein. Donc ça c'est le monopole de l'idéologie dans tous les domaines. Alors évidemment la presse, l'enseignement, etc. Bon. Et puis alors ce qui est spécifique chez les communistes, c'est le monopole économique, puisque évidemment d'emblée Lénine, c'est ce qu'on va appeler le communisme de guerre. Lénine va supprimer la propriété privée. Il l'annonce d'ailleurs dès le 18 janvier 1918 dans la déclaration qu'il fait lire à la seule réunion de l'Assemblée constituante. Hein, c'est la déclaration des droits du peuple travailleur qui annonce que voilà, bon, tous les biens en Russie deviennent biens nationaux ou sous le contrôle de l'État, c'est-à-dire en réalité du parti bolchevique. Hein, et évidemment, ça c'est un moyen considérable de pression sur les populations, avec cette fameuse phrase de Lénine qui ne travaille pas, ne mange pas. Bon, sauf que il y a un corollaire. Qui donne le travail? C'est le parti. Donc si le parti vous donne pas de travail, hein, mais si vous n'êtes pas d'accord avec le parti, il vous donnera pas de travail. Donc voilà. Et puis alors, il y a le dernier point fondamental que je dois dire, effectivement, moi, j'avais totalement sous-estimé. En tant que maoïste, je l'avais d'abord approuvé hautement, hein, la terreur indispensable, etc. Et puis ensuite, nous l'avions, parmi les auteurs du Livre Noir, y compris Nicolas Vert, jusqu'à ce qu'il tombe sur les archives, nous l'avions totalement sous-estimé. On n'avait jamais imaginé que... Alors, sous Staline, d'accord, parce que Soljenitsyn en avait parlé. Comme vous le savez, nous commémorons ces jours-ci le 50e anniversaire de la publication de l'Archipel du Goulag, où justement, Soljenitsyn, dès le début, dit « Voilà, ça commence dès 1918 ». Hein, et Staline, bon, le goulag, très bien, 1930-31, mais les camps de concentration, 1918. Bon, hein, et donc voilà, alors Staline, donc, dans les années 80-90, ça va, tout le monde avait déjà compris que Staline n'était pas gentil. Mais Lénine, franchement, on ne l'avait pas. Comme l'a dit Raymond Aron très bien à propos de la Shoah. Je crois qu'il a dit, ce jour-là, il a écrit dans ses mémoires une phrase vraiment importante. Tout le monde connaît Raymond Aron, juif, grand, premier anormal sup, première agrégation de philosophie. 1933, il passe toute l'année en Allemagne. En 40, il part à Londres, il est responsable de la revue de la France libre, etc. Et dans ses mémoires, il écrit bien sûr à Londres. Nous, les camps de concentration, on en avait entendu parler, on savait que c'était dur, etc., etc. Mais le processus d'extermination industrielle des gens, je ne l'avais pas imaginé. Et ne l'ayant pas imaginé, je ne l'ai pas su. Donc cette relation entre le fait qu'on arrive à imaginer un fait historique et le fait qu'on le sache au sens vraiment profond du terme, ben je crois que c'était notre situation. On n'avait pas du tout imaginé que Lénine avait pu faire ce type de télégramme, avait pu donner ses ordres, etc. Du coup, bah, il faut bien dire que ça changeait beaucoup la perspective. Oui, on comprend bien, hein. Stéphane Courtois, comment vous en êtes venu à écrire Lénine, l'inventeur du totalitarisme, avec aussi toute une réflexion, mais qu'on peut mener aujourd'hui dans le cours de l'histoire sur France Culture, sur comment Lénine lui-même en arrive à mettre en place ce totalitarisme, avec ce mot complexe de totalitarisme, d'ailleurs, qui est forgé dans ces années-là, hein, au début des années 1920. Ah bah c'est le mot est forgé en Italie, hein, d'abord l'adjectif totalitaire, puisque c'est un démocrate, Amendola, qui définit la manière dont Mussolini a inventé un système électoral qui lui permet d'avoir à peu près toutes les voix. Donc il dit voilà, c'est un système totalitaire. Et dès 1925, Mussolini assume et reprend le terme en disant « Oui, je vais faire un État totalitaire ». Et puis à partir du moment où on a l'adjectif, alors évidemment le mot va venir. Et d'ailleurs, je rappellerai un de nos collègues, Bernard Brunto, qui a fait un travail tout à fait considérable, il y a déjà 25 ans au moins, sur le l'utilisation du concept et du mot et du concept de totalitarisme en Europe et aux États-Unis pendant toutes les années 20 et 30. Avant la guerre, parce que souvent on dit que c'est un concept de guerre froide. Alors c'est vrai que ça a été repris dans la guerre froide. Et puis surtout Hannah Arendt avait fait son fameux livre sur les origines du totalitarisme. Mais il faut voir que, surtout dans les années 30, il y a eu une très importante réflexion sur justement ce type de régime. Évidemment, les contemporains étaient stupéfaits. Qu'est-ce que c'est que ce type de régime? Comment se fait-il que trois individus illustrement inconnus, parce que quand même, Lénine est un illustre inconnu. Si vous faites un radio-trottoir à Paris en 1914, même s'il a habité Paris pendant des années, Lénine, ça vous dit quelque chose? Non, pas du tout. Bon, Trotsky puis, non plus, Staline non plus. Alors, Trotsky un peu plus, peut-être, parce qu'il était beaucoup plus répandu dans les milieux socialistes, les salons socialistes, etc., alors que Lénine était beaucoup plus concentré sur son petit cercle. Bon, mais c'est la même chose pour Hitler. Alors Hitler, c'est un quasi-SDF en Autriche, à Vienne, avant 14. Mussolini, c'est la même chose. Mussolini, c'est un homme qui est en fuite en Suisse en 1914. Donc voilà. Donc évidemment, les contemporains sont stupéfaits de voir des hommes parfaitement inconnus arriver à la tête des plus grands pays. Alors l'URSS, la Russie, le pays le plus étendu du monde, l'Allemagne, le pays industriel le plus puissant de l'Europe continentale. Donc voilà, là il y a des interpellations fondamentales. Avec cette réflexion sur la notion de totalitarisme qui apparaît, vous l'avez dit Stéphane Courtois, souvent plus tard dans le temps de la guerre froide, 1951, c'est la publication de l'origine du totalitarisme d'Hannah Arendt. On a souvent fait observer que la terreur ne peut régner absolument que sur des hommes qui sont isolés les uns des autres. Et qu'en conséquence, l'un des premiers soucis de tout régime tyrannique est de provoquer cet isolement. Dans un régime tyrannique, les contacts politiques entre les hommes sont rompus et les aptitudes humaines pour l'action et le pouvoir sont contrecarrées. Mais ce ne sont pas tous les contacts entre les hommes qui sont brisés. Toute la sphère de la vie privée, avec ses possibilités d'expérience, d'invention et de pensée, est laissée intacte. Tandis que l'isolement intéresse uniquement le domaine politique de la vie, la désolation intéresse la vie humaine dans sa totalité. Le régime totalitaire, comme toutes les tyrannies, ne pourrait certainement pas exister sans détruire le domaine public de la vie, c'est-à-dire sans détruire, en isolant les hommes, leur capacité politique. Mais la domination totalitaire, comme forme de gouvernement, ne se contente pas de l'isolement et détruit également la vie privée. Elle se fonde sur la désolation, sur l'expérience d'absolue non-appartenance au monde, qui est l'une des expériences les plus radicales et les plus désespérés de l'homme. Réflexion d'Hannah Arendt sur le totalitarisme, lue par Hélène Losseur. C'était sur France Culture avec Stéphane Courtois. Cette réflexion, alors là, on est dans les années 1950, mais quand Lénine arrive au pouvoir, on est en octobre 1917, après la Révolution, il ne sait pas lui-même ce qu'est le totalitarisme. La réflexion que l'on peut avoir, c'est comment on en arrive là. Il n'a pas lu Hannah Arendt, il n'a pas eu le mode d'emploi du totalitarisme. Vous faites remonter à quand l'idée que pour que le monde change avec un homme nouveau, cette vision-là, faut se plonger dans des écrits de Lénine bien antérieurs. C'est pas en 1917 pour vous que Lénine réfléchit à tout cela. Oui, vous avez tout à fait raison d'insister là-dessus, parce qu'effectivement, nous, on a le point de vue rétrospectif. Très bien, mais Lénine, lui, il est au boulot tous les jours, il essaye de s'emparer du pouvoir, puis d'y rester, mais évidemment, il n'a aucune idée du type de régime qu'il est en train de construire. Et d'ailleurs, je suis presque certain que si, à partir de fin 1921, début 22, il sombre dans une espèce d'apathie, de dépression, il est très affaibli à différents points de vue, je pense que c'est aussi parce que il est stupéfait. Il est stupéfait de ce qui se passe. Il ne comprend pas vraiment quel type de régime il a créé, alors que Staline, lui, va parfaitement comprendre quel type de régime a été créé, quel est le logiciel et comment il faut faire tourner le logiciel. Il va le généraliser, le systématiser. Mais jusqu'au moment où un certain Mikhail Gorbatchev, qui n'est pas de la génération stalinienne et qui n'a pas très bien compris quel est le logiciel, va le faire s'écrouler en très peu de temps, tout simplement en mettant une goutte de démocratie dans le système. Il va le faire sauter. En mettant une goutte d'économie de marché dans le système, il va le faire sauter. Donc, c'est assez passionnant de voir tout ça. Alors, pour revenir à votre question, incontestablement, Lénine, il a inventé quelque chose. Et ça, c'est propre à Lénine. Je crois que c'est l'invention du parti de révolutionnaires professionnels. Et évidemment, le mot « parti » est extrêmement ambigu. Parce que dans toute l'Europe et dans le monde, dans tout le monde démocratique de la fin du 19e siècle et du début du 20e siècle, le mot parti renvoie évidemment à un parti d'un régime parlementaire. Alors que dans l'esprit de Lénine, ça n'a rien à voir. D'abord, il honnit le parlementarisme, il va le montrer par la dissolution de l'Assemblée constituante dès janvier 1918, mais surtout il crée ce parti de révolutionnaires professionnels qui n'a pas du tout les mêmes objectifs qu'un parti de régime démocratique. Un parti de régime démocratique, il représente des électeurs, surtout qu'à une époque, les choses étaient assez claires, vous aviez des partis bourgeois, des partis ouvriers, des partis catholiques, etc. Le parti de révolutionnaires professionnel, il poursuit ses propres intérêts. Ses propres intérêts de parti révolutionnaire professionnel, c'est de s'emparer du pouvoir et de s'y maintenir. Et donc, là, on n'est plus du tout dans la même logique. On ne recherche plus le bien commun, etc., comme c'est assez traditionnel dans une démocratie. On recherche les intérêts du parti de révolutionnaire professionnel et surtout... Alors, non seulement son maintien au pouvoir, mais l'application de son idéologie, la mise en œuvre de son idéologie. Alors, quand cette idéologie est assez floue comme l'idéologie mussolinienne, une espèce de nationalisme avec toute une mythologie sur l'Empire romain, etc., ça va pas chercher très loin. Quand c'est Hitler avec son racialisme, dans un premier temps, ça n'est pas très... Ça conduit à la discrimination des Juifs, etc. Mais à partir de 1940-41, là, c'est tout à fait autre chose. Et surtout 42, la solution finale, ça a des conséquences considérables sur le plan humain. Mais avec Lénine, c'est encore autre chose, puisque... Son idéologie est une idéologie qu'on va qualifier de classe. Simplement, l'idéologie de classe, ça ne veut rien dire. N'importe qui peut être désigné comme bourgeois, même le dernier des ouvriers, on peut lui dire « Toi, tu penses comme un bourgeois et tu es un bourgeois, en fait. » Donc voilà, et c'est d'ailleurs toute l'ambiguïté du mot « prolétariat », dictature du prolétariat. Dans l'esprit de Lénine, le prolétariat, c'est pas la classe ouvrière. Et ça n'est pas non plus et encore moins la classe paysanne, bien sûr. Le prolétariat, ce sont les masses qui adhèrent au bolchevisme. Le problème, c'est que à partir de 1918, il y a énormément de masses en Russie qui n'adhèrent pas du tout au bolchevisme et qui même sont en résistance farouche. Les paysans d'abord, on a d'immenses révoltes paysannes qui vont être écrasées de manière sauvage. Et ça va d'ailleurs se terminer par une famine. 1921-22, une gigantesque famine dans la paysannerie, ce qui est toujours paradoxal puisque les paysans sont censés justement fournir la nourriture, qui va quand même faire au moins 5 millions de morts de faim, hommes, femmes, enfants, et puis alors avec toutes les premières caractéristiques de ces grandes famines, le cannibalisme, qui est quand même un marqueur assez particulier de l'état d'une société. Quand les parents commencent à manger les enfants parce que c'est plus tendre que les grands-parents, ça pose problème. C'est d'une violence inouïe. Donc voilà, on a cet écrasement de la paysannerie. Or, la paysannerie, c'est quand même 80% de la population. Et puis, là aussi, on a été très surpris par les documents que nous a sortis Nicolas Werth en 1996-97. La répression de la classe ouvrière, très violente. Très violente. On fusille des ouvriers par centaines, etc. Et puis on les lock-out, et puis pour les faire rentrer à l'usine, on les oblige à signer un papier où il est écrit « Moi, chien puant et contre-révolutionnaire, je m'engage, etc. » Donc c'est un mépris total de l'ouvrier. Donc on finit par se demander « Mais qu'est-ce qui se passe ?» Et c'est là qu'on comprend que le cœur du logiciel, c'est le Parti révolutionnaire professionnel. En octobre 1917, Lénine est au pouvoir. C'est vrai qu'il y a cette idée d'une assemblée constituante, vous l'avez dit Stéphane Courtois, très très vite oubliée. Dès lors, que faire de toutes les protestations? Télégramme de Lénine. Camarades, le soulèvement Koulak dans vos districts doit être écrasé sans pitié. Les intérêts de la révolution tout entière l'exigent, car partout, la lutte finale avec les Koulaks est désormais engagée. Il faut faire un exemple, pendre. Et je dis pendre de façon que les gens le voient, pas moins de 100 Koulaks. Richard, buveur de sang connu, publier leur nom, s'emparer de tous leurs grains, identifier les otages. Faites cela de façon qu'à des centaines de lieues à la ronde, les gens voient, tremblent, sachent et se disent, ils tuent et continueront à tuer les Koulaks assoiffés de sang. Télégraphiez que vous avez bien reçu et exécutez ces instructions. Vôtre, Lénine. Post-scriptum. Trouvez des gens plus durs. Nous étions le 10 août 1918 avec ce télégramme de Lénine. Stéphane Courtois, mais quelques mois plus tôt, Lénine était encore cet intellectuel révolutionnaire qui vivait dans la clandestinité, plus ou moins, en tout cas surveillé par la police secrète des tsars. Et là, il est au pouvoir. Et il ne sait pas faire. Enfin, c'est pas quelqu'un qui a déjà eu le pouvoir. Il doit prendre des décisions et il fait des choix radicaux. On l'entend ici avec ce télégramme. Oui, c'est tout à fait radical. Mais, et d'ailleurs, il le dit, le plus important dans cette affaire, c'est saisissez tout le grain. Parce que si il s'attaque comme ça au Koulak, alors le Koulak, c'est un mot qui est là, c'est une stigmatisation, je dirais, qui est lancée contre la paysannerie. Hein. Alors on les présente comme Richard, assoiffé, buveur de sang, etc. Mais en réalité, ce sont tous les paysans qui sont tout simplement pillés, hein, puisque le pouvoir bolchevique ayant commencé à casser tous les circuits économiques. Par sa suppression de la propriété privée, plus rien ne fonctionne, il n'y a plus de marché paysan, etc. Donc les paysans gardent leurs grains, et évidemment, les villes où réside le pouvoir bolchevique, Saint-Pétersbourg, Moscou, les grandes villes, ne sont plus ravitaillées, et donc la colère ouvrière commence à monter, parce que les ouvriers, hein, ils mangent pas du fer, ils mangent du pain. Donc voilà, et dès le mois de mars, hein, Lénine va lancer le mot d'ordre « mort au Koulak », et ça va être la ligne de conduite concernant la paysannerie. Mais ça va, c'est contagieux. J'ai envie de dire, ce type de cruauté est contagieux, hein, d'autant qu'il y a un organe. Il y a un organe de la cruauté et de la terreur qui s'appelle la Tchéka, qui a été créé par Lénine et les dirigeants bolcheviques dès le 20 décembre 1917. Donc quelques semaines seulement après la prise de pouvoir, et il faut un organe de la terreur. Et il faut, et Lénine, lors des discussions, c'est très clair. Il nous faut notre Fouquier-Tinville. Bon. Alors. Écho à la Révolution française. Ah, bah oui, non, mais il faut quand même rappeler que tous ces révolutionnaires russes, comme ligne d'horizon, c'est pas la ligne bleue des Vosges, c'est la Révolution française et surtout sa phase la plus radicale, 92-94, hein. Ils se prennent tous, Il s'identifie pratiquement à un certain nombre d'acteurs de la Révolution française. Robespierre, Danton, etc., Marat. Donc évidemment, inévitablement, on pense tout de suite au tribunal révolutionnaire, on pense tout de suite au comité de salut public, on pense tout de suite à la guillotine. Bon. Et à la terreur, parce que mot même terreur bien apparaît entendu, ici. Et le mot même terreur va arriver, puisque on sait qu'il y avait une proposition faite à la Convention de mettre la terreur à l'ordre du jour. Eh bien, le 5 septembre 1918, un décret va mettre la terreur à l'ordre du jour, et avec des conséquences radicales. Hein, c'est-à-dire que dans les mois qui suivent, entre le début septembre 18 et la fin et décembre 1918, environ 15 000 personnes, des otages, vont être fusillés, mais massivement. Des fois, on fusille 200-300 personnes dans la nuit. Bon, à Kronstadt, tous les officiers et leurs familles sont liquidés, etc. Donc, là, il y a vraiment des événements, j'ai envie de dire, irrémédiables. Hein, et évidemment, ça ne fait que aggraver la guerre civile. Dans ce cadre-là, l'assassinat de la famille impériale est évidemment un moment presque symbolique, hein, puisque voilà, bon. C'était d'ailleurs assez curieux, puisque Il y avait eu des discussions. Bon, ben le tsar a abdiqué, on l'a mis de côté dans une propriété avec sa famille, et puis on l'a trimballé un petit peu au gré des débuts de la guerre civile. Finalement, il est envoyé à Ekaterinbourg, c'est-à-dire à l'est de l'Oural, hein, et là il y a un homme de la Tchéka qui est un vieil affidé de Lénine, puisqu'il a été Golotchekin, il a été formé à l'école de Longjumeau, hein. Lénine avait créé une école de formation à Longjumeau en 1911, et donc ce Golotchekin était déjà un élève de Lénine à ce moment-là. Il est envoyé comme chef de la Tchéka à Ekaterinbourg, et là, dans un circuit extrêmement secret et serré de 3-4 personnes maximum, Lénine donne l'ordre de liquider la famille impériale, alors que justement Trotsky, qui n'était pas là, revient d'une opération et il pose la question. Il dit à propos, où est le tsar? Et Lénine répond: ah non, c'est liquidé. Ah bon, mais comment ça se fait? On devait pas faire un grand procès, c'était l'idée de Trotsky. Comme pour Louis XVI, on fait un grand procès politique, hein, et puis finalement ça se terminera par une condamnation, etc. Non. Lénine ne veut pas entendre parler de ça. Pas de cinéma, j'ai envie de dire, hein. Pas de cinéma. On liquide, on parle plus de tout ça. Surtout que dans les premiers temps, après cette exécution, les bolcheviks vont dire: nous, on sait pas où est le tsar. Il a dû être enlevé par des blancs, ou alors on sait pas. Bon, hein. Et donc on laisse. Alors, le problème, c'est que les blancs vont très rapidement reprendre la ville d'Ekaterinbourg, vont faire toute une enquête. Évidemment, le poteau rose, entre guillemets, va être un petit peu découvert. Alors, il faut bien dire que là, il y a aussi une dimension très personnelle, qui est une dimension de vengeance, hein, puisqu'on sait très bien, ça a déjà été dit dans votre émission, le frère aîné de Lénine, Alexandre, a été, qui s'était affilié à un groupe révolutionnaire qui préparait un attentat contre le tsar, Alexandre III, a été arrêté, condamné à mort, il a refusé de demander la grâce, il a été pendu, et Lénine avait 16 ans quand ça s'est passé. Donc c'était vraiment le deuxième grand traumatisme de sa vie. Son père était mort en une heure devant lui, pratiquement d'une attaque cérébrale, quand il avait 15 ans. Et puis là, c'était le frère aîné. Et donc là, il y a clairement un élément de vengeance personnelle. Bon. Avec l'exécution du tsar Nicolas II, de toute sa famille, vous avez utilisé, Stéphane Courtois, ce mot de cruauté. Et d'ailleurs, vous avez dirigé l'ouvrage de la cruauté en politique de l'Antiquité au Khmer Rouge. Oui. Lénine apparaît dans cette histoire-là, bien sûr, comme d'autres. Et le mot de cruauté, moi, m'intéresse ici, oui, parce que parler d'un régime autoritaire, parler d'un régime totalitaire, c'est une chose. Parler de cruauté aussi, c'en est une autre. Mais la contextualisation est importante. On est dans une période de guerre civile. Il y a les Russes blancs. Enfin, on sait bien comment, dans ces moments-là, il faut tout sauver, tout faire pour que ce que l'on vient d'obtenir, c'est-à-dire un pouvoir, ne s'effondre pas. Ah oui, c'est tout à fait clair, hein. Si vous voulez, je crois qu'il faut bien distinguer la force. Bon, n'importe quel pouvoir a la force, et il y a ce qu'on appelle les forces de l'ordre. Bon, c'est bien connu, même chez nous, aujourd'hui. Bon, il y a la violence qu'un pouvoir peut manifester sous diverses formes, qui peut être ponctuelle, qui peut être limitée, qui peut être plus large. Par exemple, je ne sais pas, la Commune de Paris, par exemple. Bon. Là, il y a un moment de violence intense, hein, la semaine sanglante, etc. Et on s'entretue parce qu'il n'y a pas que les communards qui ont été tués. Il y a aussi les soldats qui tiraient sur les communards qui se sont fait tuer. Mais là, on est dans autre chose. On est dans, effectivement, un phénomène. On est dans la force, on est dans la violence extrême. Mais on passe une étape supérieure, c'est la cruauté. C'est-à-dire le fait de... dans la cruauté, il y a une dimension supplémentaire qui est non seulement les atrocités, etc., la torture, tout ça, mais le plaisir de faire souffrir son ennemi et de le liquider. Or, ça, c'est quelque chose d'extrêmement caractéristique. Bon, par exemple, j'évoquais tout à l'heure la liquidation de tous les officiers de l'île de Kronstadt, qui était la base navale militaire du régime tsariste. Ça s'est passé dans des conditions abominable et avec un véritable plaisir des marins, violant les filles des officiers devant leur père avant de les assassiner, etc. Donc il y a une espèce de jouissance que je ne qualifierais pas de classe, parce que ce serait déshonorant pour le monde populaire de dire que c'est de classe. Mais il y a eu un moment, si vous voulez, où véritablement cette cruauté s'est déchaînée, et le problème, c'est que c'est contagieux, la cruauté. Alors, vous l'évoquez, il y a les blancs, il y a les rouges, il y a les verts, hein, parce qu'on a, très... Alors là aussi, c'est un peu une des grandes découvertes du livre noir du communisme et des archives, c'est que dans la guerre civile, on parlait toujours des blancs et des rouges, etc., les bolcheviks ayant mis en scène toute leur guerre contre les blancs, mais évidemment, ils avaient zappé, si je puis dire, les verts, c'est-à-dire les paysans. Or, une grande partie de la guerre civile, ce sont des grandes révoltes paysannes, avec des grandes armées paysannes, ça va durer pendant des années, hein, et ça reprendra d'ailleurs quand Staline voudra faire la collectivisation des terres en 1929-30. Hein, donc voilà, il y a ce phénomène de cruauté de masse. Hein, et alors, ça atteint des fois... Alors, y compris la Tchéka, c'est-à-dire... Dzerzhinsky, le chef de la Tchéka. La police secrète, on va dire, cette police chargée de combattre les contre-révolutionnaires. L'appellation, même moi, j'ai très souvent appelé la Tchéka la police politique. Mais je suis en train de changer d'avis sur ce point, parce que des polices politiques, il y en a y compris dans les démocraties. On a eu les renseignements généraux, je suis bien placé pour le savoir depuis 1968, bon, hein, mais là c'est autre chose, c'est l'organe de la terreur, c'est-à-dire qu'il faut bien voir que le régime bolchevique, est pratiquement jusqu'à sa fin, va reposer sur trois piliers, le parti bien sûr, l'armée rouge, à partir de mars-avril 1918, qui est une armée de guerre civile, nationale et internationale, et puis l'organe de la terreur. La Tchéka, qui va s'appeler ensuite GPU, NKVD, KGB. Hein. Et donc, c'est très important. S'il n'y a pas l'organe de la terreur, le régime s'effondre très rapidement. Hein. Donc, or, Dzerzhinsky, il envoie des inspecteurs, en particulier dans le sud de la Russie, loin de Moscou, il voudrait savoir ce qui se passe. Les inspecteurs lui rapportent des choses incroyables. Il dit, ah ben oui, à tel endroit, dans des grandes villes, Astrakhan ou autre, oui, ben le siège de la Tchéka est un immense bordel où on amène les bourgeoises, etc. Tous les tchéquistes sont bourrés de cocaïne, il faut bien dire qu'ils font un travail difficile. Ah ben oui, c'est sûr que à exterminer des gens toute la journée ou à les torturer, c'est toujours dur. Donc voilà, c'est... Alors ensuite, ça c'est dans la phase de guerre civile. Alors ensuite, bien sûr, le pouvoir va progressivement remettre la main plus précisément sur la Tchéka, hein, transformation en GPU justement. Hein, et les tchéquistes les plus déjantés, je dirais, vont être mis de côté. Certains vont être même envoyés dans les camps de concentration déjà aux îles Solovki, etc. Bon, mais il faut bien dire que sous Staline, l'organe de la terreur va être d'une efficacité absolument terrible. Hein. La Grande Terreur, août 37, octobre 38, plus de 700 000 personnes assassinées d'une balle dans la tête sur des quotas précis. Bon, plus 700 000 autres envoyés au goulag sans droit de correspondance, ce qui veut dire terminé. Bon, donc voilà. Et là, on a cette espèce d'incroyable personnage. Alors, on a Dzerzhinsky. Dzerzhinsky, c'est un vieux bolchevique, un aristocrate polonais pur et dur, qui écrit à sa femme « Je baigne dans le sang, mais c'est comme ça, bon, c'est la révolution ». Et puis alors après, il va être remplacé par des personnages tout à fait différents, le fameux Yezhov, Nicolas Yezhov, le chef de la terreur sous Staline, qui est un personnage, là, franchement diabolique. Bon, franchement diabolique. Et puis ensuite, le célèbre Beria. Alors là, bon. Donc voilà, hein. Oui, mais bon, vous imaginez un régime dont... les personnages principaux, hein, qui sont sur les grandes affiches de propagande, etc., sont ce type de personnages. Ça donne à réfléchir. Ça donne à réfléchir avec Félix Dzerzhinsky, hein, que vous venez d'évoquer, cette grande figure de la Tchéka. Donc, alors, police politique, comme on l'a dit souvent, mais avec toutes les nuances que faut apporter, Stéphane Courtois, et lu une lettre de Lénine en mai 1922 à Dzerzhinsky. Sur la question de la déportation des écrivains et des professeurs aidant la contre-révolution. Cela nécessite une préparation plus minutieuse. Sans cela, nous passerons nous-mêmes pour des imbéciles. Confiez aux membres du bureau politique la tâche de consacrer 2 ou 3 heures par semaine pour passer en revue un certain nombre de périodiques et de livres, en vérifiant l'exécution des tâches, en demandant des comptes rendus écrits et en assurant l'envoi à Moscou de toutes les publications non communistes sans délai. France Culture, le cours de l'histoire. Xavier Mauduit. Stéphane Courtois, Lénine au pouvoir. Bien sûr, il y a ces paysans qui ont posé problème, il y a ces ouvriers aussi, les intellectuels, on peut en dire un mot. Parce que là aussi, ça fait partie de ce que Lénine met en place. Mais faut le rappeler, hein, Lénine arrive au pouvoir en octobre 1917. Dès les années 22, il commence à ne plus être en forme et il décède en 1924. C'est un temps assez court, comparé à la suite au stalinisme. La méfiance envers les intellectuels est déjà présente ici. Oui, alors, ça c'est un moment, alors vous venez de l'évoquer, Lénine, il faut rappeler que Lénine, jusqu'en 1917, c'est un homme qui n'a jamais travaillé pour vivre. Bon, il vit soit de ses rentes, soit des rentrées du parti, etc. Il a toujours fonctionné à sa main. Il se lève le matin, il fait ce qu'il veut, il s'organise comme il veut, il a toutes ses petites habitudes, il passe son temps à lire, soit chez lui, soit en bibliothèque, à écrire, etc. C'est sa principale activité. Bon, d'un seul coup, on l'a dit, il se retrouve au pouvoir, et là, c'est tout à fait autre chose. C'est-à-dire que là, 24 heures sur 24, il est sur le pont, comme on dit. C'est-à-dire il est obligé en permanence de prendre des décisions, surtout qu'il est le chef. Il est, et surtout, le fait qu'il ait pris le pouvoir lui donne une aura incroyable auprès de tous ses camarades. C'est comme pour Hitler ou comme pour Mussolini, d'ailleurs. C'est tellement inattendu, c'est tellement extraordinaire que, voilà, il est, c'est un prophète, quasiment. Donc, le voilà obligé de travailler comme un forcené jour et nuit pendant 3 ou 4 ans, et d'un seul coup, rien ne fonctionne comme il veut. Tout. Alors ça, c'est phénomène classique, on est en pleine euphorie, parce que c'est la grande euphorie chez les bolcheviks. C'est extraordinaire, bon. Et puis d'un seul coup, hop, tout commence à aller de traviole, comme on dit, hein, et ça commence donc fin 1920, surtout début 1921, hein, la famine paysanne qui commence, la révolte de Kronstadt en mars 21, qui est quand même incroyable, puisque Kronstadt, c'est le cœur de la révolution. Donc là, il y a un gros problème. L'effondrement complet de l'économie, c'est-à-dire la Russie, en début 21, est entièrement ruinée. Il n'y a plus aucune production, ni agricole, ni industrielle. Donc, la guerre avec la Pologne aussi. La guerre avec la Pologne, qui est le premier grand coup d'arrêt, puisque le grand projet de Lénine, c'était évidemment une révolution internationale. Je l'ai dit, on passe sur le corps de la Pologne, on rentre en Allemagne, etc. Bon, l'affaire de la Pologne se termine en désastre, hein, puisque l'armée rouge est avancée presque jusque sous Varsovie, et d'un seul coup, elle va reculer de centaines de kilomètres, et puis avec, à l'arrivée, un traité de Riga qui est très défavorable. Donc, le grand projet stratégique s'effondre. S'est effondré à l'automne 1920. Le grand projet communiste, entre guillemets, c'est-à-dire l'État va être capable de tout gérer, etc., s'effondre totalement sur le plan intérieur. Et donc, il faut faire des concessions. C'est la NEP, la nouvelle économie politique. Il faut remettre un peu d'économie de marché dans le système, etc. Il faut passer des traités désagréables avec des puissances pourtant aussi faible que la Pologne, hein, donc voilà. Et donc, à l'automne 1921, on peut dire que déjà Lénine, premièrement, est en burn-out, c'est-à-dire qu'il est totalement épuisé sur le plan nerveux, parce que là, il a plus de jus. Il le dit d'ailleurs, hein, il envoie des lettres à Gorky en disant « je ne suis plus capable de rien, je n'ai plus d'énergie ». Donc, bon, premièrement, ce burn-out nerveux, ensuite un effondrement psychologique, puisque plus rien ne va, tout va de traviole, il faut faire des concessions de tous les côtés avec les impérialistes, avec les paysans, avec etc. Hein. Et puis troisièmement, une chose qui sera découverte seulement à la fin, hein, c'est un problème physiologique, puisque une fois qu'il est mort, on dissèque son cerveau, on s'aperçoit que les veines du cerveau sont totalement calcifiées, hein, et qu'en réalité, il avait exactement la même maladie que son père. D'ailleurs, une équipe américaine récemment semble avoir trouvé une maladie rare qui a justement été celle de son père et la sienne. Ce qui d'ailleurs l'angoissait, parce qu'il sentait bien qu'il y avait un problème. Hein. Et donc, dès la fin 21 et le début 22, il est très affaibli. Et il ne peut plus assister à certaines réunions du bureau politique, il est trop faible, trop malade. Et donc, en mai, il a sa première attaque cérébrale, très sévère, bon, qui va le paralyser en partie, aphasie. Bon, alors, on fait venir les meilleurs médecins allemands, etc., qui disent, c'est très simple, ce monsieur a besoin de repos absolu et donc il ne doit surtout pas faire de politique. Dommage. Alors, bon, vous imaginez si vous annoncez ça à Lénine, ça va mal aller. Hein. Mais en tout cas, Lénine étant parfaitement conscient qu'il est en train de s'affaiblir et qu'il va être peut-être d'abord obligé de quitter le pouvoir et puis il va peut-être mourir. Et il veut régler ses derniers comptes. Donc, il va commencer par l'Église orthodoxe. Justement, cette chance qui n'a pas pu venir à une réunion du bureau politique, parce que nous n'avons pas deux minutes du bureau politique. Qu'il était présent, donc il parlait. Donc, voilà, bien entendu. Et là, comme il avait donné des ordres qui n'avaient pas été suivis, il envoie une note explicite de... On est le 19 mars 1922, une note explicite en disant, voilà, bon, maintenant, il faut liquider l'Église orthodoxe. Ensuite, il passe aux socialistes révolutionnaires. Après son attaque cérébrale, il dit, ce sont ses vieux ennemis, les socialistes révolutionnaires. Ce sont des gens qui ont passé des centaines d'années de prison et d'exil, etc. Mais ce sont ses vieux ennemis parce que les socialistes révolutionnaires basaient toute la révolution sur les paysans. Alors que pour Lénine, c'était les ouvriers. Et donc, il va organiser le premier grand procès truqué, hein, à l'été 1922. Et à cette occasion, il va d'ailleurs faire rédiger en urgence un code pénal, puisqu'il n'y avait plus de code pénal, ce qui vous donne aussi une idée de l'arbitraire. La Tchéka, elle faisait tout. Elle arrêtait, elle torturait, elle liquidait. Il n'y avait pas de juge dans tout ça. Bon, hein. Donc là, Lénine dit, bon, si on fait un procès, il faut qu'il y ait un code pénal. Bon, donc, et dans le code pénal, il fait mettre explicitement la terreur. Il envoie des ordres au commissaire du peuple à la justice en disant, voilà, hein, attention, ne masquez pas la terreur, mettez la terreur dans le code. Bon. Donc, alors ça va se terminer par des condamnations à mort, un grand scandale international. Les condamnés seront graciés, bien entendu, le camarade Staline s'occupera de les liquider par la suite. Et ensuite, ses derniers ennemis, les intellectuels. Parce que, évidemment, Lénine avait la prétention, grâce à son marxisme, de pouvoir traiter de tous les problèmes. Il a commencé par un grand volume d'économie sur la Russie, qui a fait rire tous les économistes russes. Bon, parce que Lénine prétendait s'y connaître en statistique. Mais bon, hein, vous savez, la statistique, c'est ce qu'en disait Churchill. Je ne crois aucune statistique, sauf celle que j'ai moi-même truquée. Bon, donc c'est assez clair. Hein, et il faut savoir quand même qu'en Russie, je sais bien que le régime tsariste a toujours été caricaturé, mais il y avait une gigantesque école mathématique de niveau mondial, et de statisticiens de niveau mondial. Donc évidemment, ces gens-là, quand ils ont lu le volume de Lénine sur l'économie russe, ils ont un peu rigolé. Même chose pour la philosophie. Là, il a publié cet énorme pavé « Matérialisme et empiriocriticisme ». Tous les philosophes, tous les philosophes universitaires se sont dit « Quel est cet objet philosophique non identifié ?» Bon, donc voilà. Et donc, Lénine avait une véritable vengeance à prendre contre tous ces intellectuels, des Berdiaïev et beaucoup d'autres gens. Hein. Et donc, il donne l'ordre de les recenser, de savoir exactement qui ils sont, etc., et de dresser une liste de ceux qu'on va virer, tout simplement, qu'on va expulser. Donc, vous voyez, on n'a pas attendu Soljenitsyne pour expulser des gens. Hein. Et donc, à l'automne 1922, il y a 160 grands intellectuels russes, pas seulement des philosophes ou des théologiens, des mathématiciens, des astronomes, etc., hein, des scientifiques de très haut niveau, qui vont être mis sur deux bateaux, un beau jour. Hein, on va les arrêter, bien sûr, on va saisir tous leurs biens et surtout leurs bibliothèques, parce que ça, c'est quand même une vengeance. Voilà un petit fait de cruauté. Priver un grand intellectuel de sa bibliothèque. Hein. Et puis, Lénine lui-même, hein, signe la liste de ceux qu'ils vont avoir le droit d'emporter. 3 paires de chaussettes, 2 caleçons, 10 dollars. Enfin, c'est tout à fait incroyable de voir ce... Là, il y a vraiment un phénomène de cruauté personnelle à l'encontre de ses chers collègues intellectuels. Et puis on va donc leur faire signer un papier, comme quoi si jamais ils remettent les pieds en Russie, sans discussion possible, ils seront immédiatement exécutés. Et puis on les met sur deux bateaux et on les envoie dans la Baltique. Et ils vont atterrir dans des ports allemands très surpris de voir arriver ces deux bateaux. Bon, donc voilà, c'est là aussi un élément de vengeance personnelle tout à fait étonnant. Et en même temps, de prise de conscience du danger. Ces 160 intellectuels, ce sont des gens dangereux. Hein, ce sont des gens qui seraient susceptibles, par leur intelligence, leur connaissance, leur compétence, de contester le régime, d'un point de vue pertinent, je dirais. Hein, et donc, voilà, on n'en veut pas. Hein, et donc, on les expulse. Et c'est après ça, après ce travail, si je puis dire, que là, Lénine va vraiment être très, très affaibli, jusqu'au moment où il va commencer à faire des AVC à répétition, qui vont pratiquement le sortir du jeu politique dès le mois de décembre 1922. Voilà, et puis Lénine qui meurt le 21 janvier 1924. Voyez, vous faisiez référence à cet écho révolutionnaire. Bah, ce 21 janvier, date de la mort de Louis XVI, bah, c'est la mort également de Lénine. Stéphane Courtois, dans cette réflexion sur le totalitarisme, voire les totalitarismes, il y a l'image très sombre de Staline, on la connaît bien, et l'image de Lénine qui a été longtemps positive. Vous nous avez clairement expliqué le pourquoi avec ce moment des archives. Hein, vous l'avez évoqué, en 1997, il y a ce livre noir du communisme avec plusieurs auteurs, dont Jean-Louis Panet. Hein, Jean-Louis Panet qui m'écrit en me disant « Moi, je m'étais déjà distendu et détaché ancien maoïste très peu de temps, mais pas de souci pour publier tous ces écrits de Lénine. Il était déjà hors de l'influence léniniste, d'autant qu'il avait déjà collaboré avec François Furet pour son Passé d'une illusion. » Quand vous publiez en 1997, le livre noir du communisme, quand vous publiez Lénine, l'inventeur du totalitarisme, c'est chez Perrin, il y a toujours ici, nous le sentons encore, ces tensions, des tensions tout à fait légitimes, hein, de discussion entre historiens et historiennes. C'est insérer Lénine dans une histoire beaucoup plus large du totalitarisme. C'est très difficile, hein, sachant que le totalitarisme, et on l'a dit, est une notion complexe à manier. L'idée ici de souligner l'inventeur du totalitarisme, c'est de, je ne veux pas dire qu'il y a une dialectique historique dans la démarche de Lénine, mais vous lisez Lénine entièrement comme celui qui avait déjà tout en place pour arriver à ce qu'a été ensuite l'URSS. Bah, c'est-à-dire que, bon, parce que quand même, après la notion de totalitarisme relancée par Hannah Arendt et puis des politologues américains, depuis que les archives se sont ouvertes à Moscou, etc., et en Italie, hein, parce qu'il y a Emilio Gentile qui a fait un énorme travail sur le totalitarisme en Italie et plus en général, on a une vision beaucoup plus historique, je dirais, de cette notion, hein, et évidemment, on se pose la question. Bon, alors, on repère bien qu'il y a trois grands régimes totalitaires, même si Arendt considérait, par exemple, que le régime mussolinien n'était pas totalitaire. Simplement, moi, j'ai introduit une nuance. Il y a eu des moments de totalitarisme de haute intensité, où la terreur est à son maximum, et des moments de totalitarisme de basse intensité. Bon, bien entendu, sous Brejnev, on n'est plus du tout sous Staline. On est bien d'accord. Et même sous Gorbatchev, néanmoins, les structures du pouvoir et la logique et le logiciel sont les mêmes. Hein. Simplement, les gens sont moins violents, ils tiennent plus compte de la population, etc., etc. Donc voilà, il faut nuancer, bien sûr. Hein. Il faut être. Alors là où est le problème, c'est qu'évidemment, si vous dites totalitarisme, vous impliquez une comparaison entre plusieurs régimes, et en particulier entre régime communiste et régime nazi. Et là, il y a beaucoup de gens qui ne supportent pas. Hein, et je le comprends parfaitement. J'ai travaillé pendant de très longues années avec Annie Kriegel, qui était rentrée dans la résistance communiste à Grenoble à 17 ans. Hein, à 18 ans, en 44, tous ses copains avaient été fusillés. Bon, pour elle, il y avait une charge émotionnelle face au nazisme. Dans le face-à-face communisme-nazisme, il y avait une charge émotionnelle claire et nette. Bon, et Alors, elle était décédée quand nous avons publié le livre noir du communisme, mais bon, j'avais fait une dédicace à son mari, qui était un très bon ami, en lui disant, bon, ce livre, dont je pense qu'Annie aurait été très mécontente. Bon, parce que Annie Kriegel ne supportait pas la notion de totalitarisme, à cause de ça. C'était pourtant une très grande historienne. Donc, vous voyez, je comprends très bien les difficultés psychologiques pour beaucoup de gens d'accepter cette notion. Et pourtant, en tant qu'historien, je ne peux pas faire autrement. Voilà, c'est la notion que vous portez, Stéphane Courtois, Lénine, l'inventeur du totalitarisme. Merci beaucoup de nous avoir présenté cette réflexion qui est aussi cette démarche que vous avez personnelle d'historien pour en arriver là. Et qui est en cours. Parce que l'histoire évolue sans cesse, on le rappelle, c'est une science. Puis je rappelle aussi de la cruauté en politique de l'Antiquité au Khmer Rouge. Merci beaucoup, Stéphane Courtois. Merci. Il est temps pour nous de retrouver Gérard Noiriel. C'est le pourquoi du comment. Comment les bâtards sont-ils devenus citoyens ? Le droit de bâtardise a existé en France jusqu'à la fin du XVIIIe siècle. Il faisait la distinction entre, d'une part, les enfants naturels simples, nés de deux personnes libres, non engagées dans le mariage, et, d'autre part, les enfants adultérins et incestueux. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, adoptée le 26 août 1789, ayant proclamé l'égalité juridique de tous les Français, condamna le droit de bâtardise qui fut officiellement aboli par le décret du 13 avril 1791. Deux ans plus tard, la loi du 12 Brumaire en deux, c'est-à-dire du 2 novembre 1793, fit disparaître le terme « bâtard » jugé infamant, remplacé par l'expression « enfant naturel ». La loi reconnut à ces derniers les mêmes droits successoraux qu'aux enfants légitimes. La législation révolutionnaire inaugura ainsi ce que les spécialistes ont appelé la privatisation de la question bâtarde. Considérée comme une affaire de famille, la filiation fut écartée de la scène civique. Le lien de filiation, qu'il soit légitime ou illégitime, ne devait plus déterminer désormais la condition publique des personnes ou leur citoyenneté. En supprimant la bâtardise du droit français, les révolutionnaires voulurent aussi lutter contre toutes les marques d'indignité, désignées alors par le terme d'infamie, qui frappaient les individus sous l'Ancien Régime. C'est le même idéal qui entraîna l'abolition des peines flétrissantes dans le domaine criminel. Néanmoins, la rupture avec le passé fut moins radicale qu'on ne l'a cru pendant longtemps. Le principal changement que provoqua la législation révolutionnaire concernait les enfants illégitimes reconnus par leur père. Ils eurent désormais les mêmes droits de succession que les enfants nés dans le mariage. Mais la loi du 2 novembre 1793 ne mit pas totalement fin aux discriminations touchant les enfants non reconnus par leur père. C'est dans cette brèche que s'engouffra la réaction thermidorienne. Sous la pression des frères et sœurs légitimes appartenant à des familles aisées, qui s'estimaient lésées par les droits accordés aux enfants naturels, la loi du 12 Brumaire fut modifiée au détriment de ces derniers. Ce retour en arrière fut justifié par des raisons morales visant à lutter contre le dérèglement des passions amoureuses et sexuelles. Il fallait à nouveau défendre les familles unies et les principes du mariage chrétien contre les séductrices sournoises et les petits imposteurs. C'est pour alimenter ces nouveaux discours sur la défense des mœurs que le terme de « bâtard » fut réintroduit dans le langage public. Le Code civil, adopté en 1804, entérina ces mesures qui plaçaient l'enfant naturel dans une situation de hors-la-loi. L'un des articles du Code stipulait en effet que les enfants nés d'un commerce incestueux ou adultérin ne pourraient pas être reconnus et qu'en conséquence, ils ne pourraient pas hériter. La situation légale de l'enfant naturel s'améliora quelque peu sous la Troisième République sans toutefois remettre en cause les principes fondateurs du Code civil. Il a fallu attendre la loi du 3 janvier 1972 pour que l'enfant naturel obtienne les mêmes droits que l'enfant légitime dans ses rapports avec ses pères et mères. Merci Gérard Noiriel, c'était le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Thomas Boy, avec aujourd'hui la technique Élise Leu, émission préparée par Jeanne Copé, Jeanne Delecroix, Toscan Viudès, Raphaël Laloum et Maïwenn Guizhou. Le cours de l'histoire écouté à podcaster sur franceculture.fr et l'appli Radio France.